Thank you. Ce soir, je danse les voiles pourtant. Sens-tu ton corps, laisse ce corps, et maintenant pousse les fenêtres de mon âme, à l'écoute des bateaux du ciel. Les forces font les vagues, font les voyages au bouffeur, ils écrivent ce qu'elles veulent. C'est Don Quichotte, car ses livres sont protégés, quoi qu'ils disent. Faisons de nos vies résonne dans l'éternité une base de données pour le monde d'après. La finitude momentanée n'est qu'un à plus tard dans une autre vie, un autre espace-temps. Quand les hommes sont pénétrés à l'encontre des lois, cela engendre des catastrophes. Jusqu'à la prochaine escale.